France Culture présente Les Sorcières, un livre de Céline Duchesnay. Une histoire culturelle et visuelle de ces femmes dont les pouvoirs dérangent, ou comment le mythe de la sorcière a évolué à travers les âges. Les Sorcières de Céline Duchesnay, une coédition France Culture. Les professions invisibles, Madeleine Riffaut, petit soldat de l'hôpital. Je suis correspondante de guerre, etc. Depuis le temps que je fais la guerre, depuis l'âge de 17 ans dans la résistance, jusqu'à il y a 2 ans, ça fait bien un lot. Alors, j'ai voulu un peu ne plus être... je dirais pas que j'ai pas voulu ne plus être un combattant, parce que c'est toujours une autre guerre, celle qui se mène dans les hôpitaux contre la maladie, contre la mort. Eh bien, je me suis tout simplement embauchée dans un grand hôpital parisien à l'époque des vacances. Mais je suis embauchée au ras du carrelage comme agent hospitalier. On appelait autrefois les agents hospitaliers des filles de salle. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Depuis le temps que je fais la guerre. Pendant la résistance, Madeleine Riffaut a été membre du Front National des étudiants, puis, dès le début de 1944, à moins de 20 ans, du Parti communiste. En juillet 1944, elle tue de sang-froid un militaire allemand, près des Tuileries. Un collaborateur qui se trouve dans les parages la percute avec sa voiture et elle est transportée, inconsciente, à la Gestapo. Plusieurs semaines de détention, de torture. Par miracle, elle échappe à l'exécution, puis à la déportation. Elle est déjà dans un train en gare quand la Croix-Rouge parvient à l'en extraire. Elle est ensuite échangée in extremis contre les Allemands. Nous sommes à la veille de l'insurrection. Elle y participera au premier rang. Une citation à l'ordre de l'armée témoigne qu'à la tête de ses hommes, elle a donné l'exemple d'un courage physique et d'une résistance morale remarquable. En raison de son jeune âge, elle n'est pas admise dans les troupes qui vont poursuivre la libération du pays. Un premier long épisode dépressif s'ensuit. Madeleine Riffaut sera pendant 2 ans l'épouse de Pierre Dex, un proche d'Aragon. Poète, elle est soutenue par Éluard. Journaliste, elle écrit dans Ce soir, dans La vie ouvrière, et à partir de 1958, dans l'UMA. Elle a le goût des conditions extrêmes. Elle sera une grande correspondante de guerre. En Indochine, encore française. En Algérie, pendant la lutte de l'indépendance. Elle témoignera avoir vu à l'hôpital civil d'Oran, déjà l'hôpital, l'OAS, instaurer un traitement expéditif pour les Algériens égarés dans le secteur européen. Un attentat de la même OAS la laissera blessée aux yeux, la cécité la gagnera peu à peu. C'est le Vietnam qui la requiert particulièrement. Elle est la compagne du ministre de la Culture d'Ho Chi Minh. Ses reportages et ses livres sur le Vietnam la font connaître dans le monde entier. Elle collabore à bien d'autres journaux que les communistes. D'ailleurs, la direction de l'époque Marchais commence à se méfier de ce grand témoin de la résistance, tant apprécié par les gauchistes. Après les accords de Paris sur le Vietnam, en janvier 1973, elle se retrouve, comment dire, démunie, disponible. Au moment des accords de Paris, quand ils ont été signés, j'étais un petit peu comme une voiture de forte cylindrée qui tourne au ralenti à un feu rouge et qui ne peut pas s'élancer. Je tournais sur moi-même, quoi, mais je ne savais pas où donner cette force. Et j'en ai profité pour tomber malade, puisque j'avais le temps. Alors, je suis tombée malade. J'ai toujours ma vieille tuberculose qui me reprend à point nommé, ou plutôt dont on découvre qu'elle est là au moment où ça m'arrange. Et puis, j'ai découvert une réalité assez tragique pour moi, c'est que la vie en France ne me séduisait pas beaucoup, parce que j'avais perdu mes racines. Et puis, je voulais rompre avec cette légende qu'il y avait autour de ma personne. Et puis, ma mère était morte pendant que j'étais à la conférence de Paris. Et elle est morte d'un cancer au cerveau. J'étais allée la voir, bien sûr, à l'hôpital, mais je ne suis pas restée pour sa mort. Et je suis très effrayée par les malheurs qui arrivent en temps de paix. Quand un malheur arrive en temps de guerre, c'est un malheur collectif, c'est peut-être plus acceptable. Mais quand on a une guerre de poche, quoi, un malheur pour soi tout seul, c'est dur, c'est même très dur. Dans cet état, qu'elle ne me reconnaissait plus, ça m'a fait peur. Et j'ai remarqué que les infirmières et les filles de salle savaient, elles, ce que moi, je n'arrivais pas à faire avec ma propre mère. Elles savaient l'apaiser, elles savaient la prendre dans leurs bras, lui parler, enfin, s'occuper d'elle comme il fallait, lui donner le confort dont elle avait besoin, l'absence de douleur et la certitude qu'elle ne serait pas abandonnée, qui sont les trois, pour moi, les trois choses nécessaires pour quelqu'un qui va mourir. J'étais pas capable de faire ça. Extrait d'une longue série d'émissions de France Culture de Ludovic Sellier, à laquelle nous recourrons souvent. L'un de ses camarades de résistance, Paul, Madeleine Riffaut, évoque alors cette dette qu'elle a à payer vis-à-vis du personnel hospitalier. Paul, c'est maintenant le professeur Jean Rougeau, chef de service de l'assistance publique. Il lui arrive de faire des missions au Vietnam. Il recommande à Madeleine d'en effectuer une sur un autre front, dans les hôpitaux parisiens en temps de paix. Elle se fait donc embaucher à Brousset, dans un autre service que celui de Paul, puis de l'autre côté de la rue, à Saint-Joseph. Elle ne déguise pas son nom, mais par précaution, elle met en avant son second prénom, Marthe, la petite Marthe de l'Évangile. Blouse blanche, tablier bleu marine, bonnet sans galon. Elle n'est pas même aide-soignante, fille de salle, elle vient de le dire. Embauchée, en même temps qu'elle, Marie, une Guadeloupéenne, touche sa médaille à son cou et murmure « Jésus, Marie, faites que j'apprenne à laver par terre. » J'étais au plus bas échelon, c'est-à-dire que j'avais inversé mes prénoms, j'avais simplement dit que je m'appelais Marthe, et puis cette petite Marthe, qui d'ailleurs vit toujours dans l'hôpital, dans le souvenir des gens qui l'ont connue, parce que jamais personne n'a su que cette petite Marthe était aussi une journaliste. Elle était agent hospitalier numéro 1, je ne sais plus comment ça s'appelle, pas, j'ai embauché pour 2 mois. La première chose que j'ai faite, c'était l'écarlage. Alors là, à la minute de vérité, après avoir pointé, hein, quand j'ai eu mon balai en main, puis j'ai vu cette étendue de carrelage, une véritable steppe, tout ça avec une forêt fragile de perfusion, des chariots du siècle dernier toujours tangués au milieu du chemin. Alors, comment faire pour nettoyer ça? Et puis alors, je voyais mon Siméon Lantillet, là, qui était mon collègue, qui engueulait comme il pouvait les internes et qui disait « Marchez pas sur le mouillé, marchez pas sur le mouillé !» Ben oui, moi, combien de fois je l'ai dit après « Marchez pas sur le mouillé !» Alors, il y avait deux Justines, deux femmes de ménage qui s'appelaient Justine, toutes les deux, dans le service où j'étais, et il y en avait une qui était plutôt mal embouchée et formidable, bretonne, épatante, et il y en avait une autre qui était très douce comme une petite souris blanche, et moi je suis tombée sur la costaud, et je lui ai dit vraiment humblement, apprenez-moi comment on fait pour laver par terre. Vous dites, à propos des linges de la nuit, vous dites « Laver le carrelage, ça fait du bien à un intellectuel fatigué. » Ah oui, ah là là, oui. Ça vous a fait du bien de laver le carrelage ? Et comment ? Je suis sortie en pleine forme. Le matin, quand j'arrivais, que je traversais la salle des femmes pour aller en civil, pour aller me déshabiller, mettre en tenue, je voyais 50 regards qui convergeaient sur moi, qui s'efforçaient de sourire, parce qu'elle sortait des brumes de la nuit et le café que j'allais apporter serait quelque chose d'agréable. Et puis elle m'aimait bien. Et j'entrais, je me mettais en blouse, je mettais mon tablier bleu marine et j'avais le même geste que Justine pour le nouer en marchant et le même pas aussi. Je faisais partie d'une équipe. J'étais responsable. Quelle merveille. C'est ça la joie. Si c'était un roman, dit Madeleine Riffaut, j'introduirais les personnages. Alors Justine, donc, la mal embouchée, hein. Elle rappelle à Marthe, votre premier devoir, c'est pas de bavarder avec les malades, mais de tenir le service propre, nickel, sans rat ni cafard. Et le carrelage, il doit être sec quand passera le grand patron. qui ne saluera pas les agents hospitaliers parce que son regard passe à travers eux. La surveillante, c'est Mademoiselle B. Elle tente d'imposer une discipline cubique. Chacun à sa place, la fille de salle n'a pas à jouer à l'infirmière et le service n'en tournera que mieux. L'infirmière, justement, c'est Hélène. 3 heures de transport par jour entre son HLM et l'hôpital et un enfant qu'elle a du mal à faire garder. Elle est plus pâle que les malades. Parfois, elle décharge sa fatigue contre les aides-soignants. En même temps, elle maintient que chaque patient doit avoir un contact humain privilégié avec au moins un membre du personnel. L'homme souffrant ne vit pas que de perfusions et d'antibiotiques. Ce qu'il y a de pire au monde, c'est l'indifférence. Nous sommes l'été. Le jardin de l'hôpital rappelle que cette saison est arrivée. Et le tube qu'on entend partout dans l'enceinte de Brousset cette année-là, 1973. Elle court, elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante, la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait parfois souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer. Elle fait crier dans l'ombre, mais le plus douloureux, c'est quand on en guérit. Elle court, la maladie d'amour, dans le cœur des enfants, de 7 à 77 ans. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. Pourquoi les linges de la nuit? Ah, ben parce que les linges triés au matin racontent les drames de la nuit. Alors on arrive le matin au boulot, puis vers 10h du matin, alors là, on va ouvrir un certain placard qui est clos, qui est sans ouverture. Et là sont entassés tous les draps, les alaises, les chemises des malades et les torchons qu'on a usés en 24 heures et notamment la nuit. Alors vous devez trier ça, en général sans masque et sans gants. Alors je n'ai pas besoin de vous dire que c'est plein de sang, plein d'excréments et de pu. Et on se fait la réflexion, je vous dirais, tiens dis donc, eh ben, elle a pas dû rigoler Dolores cette nuit, hein. Parce que t'as vu, c'est plein de sang partout. La nuit a été dure. Ou si c'est pas, il n'y a pas tellement de linge, on dit tiens, ça a été calme cette nuit dans la salle commune. L'histoire des professions invisibles aujourd'hui, 1973, Madeleine Riffaut, fille de salle dans un hôpital parisien, c'était l'époque des salles communes. Elle remarque, tiens, le jeune homme n'est plus là. Dans la bagarre sous le bistouri du patron, il n'avait pourtant perdu qu'un demi-pied. Il est mort, presque guéri, dans les chiottes, froc baissé, rupture d'anévrisme. Le petit marin a posé sur sa table de chevet la maquette de son bateau, mais lui aussi va être amputé. La dame, qui fut élégante, elle a posé un étui à cigarette vide, mais en argent, marqué de ses initiales. Il faut faire attention à ne pas couper le dernier fil qui rattache à la vie d'autrefois. Et puis, quand on parle des linges de la nuit, il faut prendre garde à citer quelques pages de ce chef-d'œuvre. Depuis quelques jours, nous jouons complet. La dernière série opératoire du patron avant ses vacances. Les entrants sont mal en point, c'est l'intervention du dernier espoir. La rangée de la salle commune où la cuisinière tricote du gris et du rose sent passer le vent du bistouri. On n'y chante plus la maladie d'amour. La deux, Madame A, tu vois, cette dame aux cheveux bleutés avec la chemise à fleurs, celle qui a des enfants si affectueux, eh bien, fais attention. Elle se laisse glisser. Hier, son fils, la quarantaine, habillé par un bon tailleur, style cadre d'entreprise, a réussi à approcher le professeur X. Exploit. Cette semaine, que de visiteurs ont imploré l'aumône d'un renseignement autorisé sur l'état de leur malade. Seule, en dehors des médecins, Hélène, l'infirmière et la surveillante ont le droit de donner des nouvelles d'ordre médical. Elles ne savent pas toujours. Attendre, il faut attendre le résultat du bilan. Le laboratoire, la radio sont embouteillés. Hélène passe une heure par jour à rédiger bons et paperasses pour les nouveaux examens demandés. L'ignorance dans laquelle sont laissés les patients, les termes savants prononcés près de leur lit par des hommes en blanc, ce langage inconnu que nul ne leur traduit, décuple l'angoisse et la douleur. Le verdict tarde. Coupera, coupera pas. Suspense. Sur quelques 35 malades, une dizaine au moins sont dans l'incertitude. Nous pourrions clouer une pancarte à l'entrée, salle Z, humain en souffrance. En souffrance, comme on dit, d'objets oubliés à la consigne d'une gare. Je crois qu'on peut juger un pays à la manière dont il traite ses malades, ses infirmes, ses déments. Et vraiment, je suis entrée là pour apprendre. Parce que je sais bien qu'on apprend des gens simples. Et je sais bien que nous, Gray, vous me comprenez quand je dis ça, nous savons écrire, nous avons bien de la chance. Eh bien, je pense que c'est pas mal de temps en temps d'aller laver les carrelages et de partager la vie des gens simples, ceux qui font l'histoire et qui, eux, ne l'écriront jamais parce qu'ils n'ont pas reçu ce don que nous avons et nous devons en remercier, hein, disons, la nature avec beaucoup d'humilité l'avoir reçu. Alors nous devons nous en servir pour être la voix de ceux qui, eux, ne pourront pas dire leur souffrance, par exemple, ou leur lutte, ou leurs espoirs. Et c'est ce que j'ai fait tout simplement, sans plus. Il n'y a rien d'héroïque là-dedans. J'étais très heureuse. Ça a été une des parties de ma vie qui a été la plus pleine. Peut-être avec la résistance. Parce qu'au fond, c'est toujours, il s'agit là, quand on est fille de salle ou infirmière ou médecin, ou quand on est malade et qu'on s'accroche pour ne pas mourir, il s'agit de résistance, il s'agit des forces de la vie, il s'agit de l'honneur de vivre, il s'agit de la solidarité, diront les uns, de la fraternité, diront les autres, de l'espérance ou de la charité chrétienne, diront encore d'autres amis. Et là, vraiment, dans une salle commune de 70 à 80 lits, où l'horloge, comme ici, a un rôle, parce que l'horloge, c'est un des grands personnages de mon livre, parce qu'on est toujours à courir, toujours à courir, on en apprend des choses. On apprend des choses sur le peuple de son pays, sur la grande misère de la santé publique, qui en France, vraiment, est en état d'urgence. Mais j'ai pas poussé au noir, même plutôt, j'ai presque embelli, pas noirci la situation, vous voyez. J'ai simplement raconté les choses. Parce qu'on se bat, pas seulement pour faire une BA, mais pour que cette situation atroce d'état d'urgence de la santé publique en France cesse d'être atroce, enfin qu'on arrache des améliorations. On se bat, alors comme ça on en sort. On sort toujours quand on se bat. Surtout dans les conditions actuelles où c'est dans un état vraiment, pour vous donner un exemple entre mille, hein, et non pas des plus graves, un soir j'avais des repas à servir et je me dis, chic, alors ça va être facile, je suis toute seule pour 80 malades. Il y a des œufs à la coque, c'est pas tant, ça c'est facile à servir. Au moment où j'ai commencé à sortir la vaisselle, j'ai vu que j'avais 3 coquetiers. Parce que l'assistance publique n'est pas riche, il y avait seulement 3 coquetiers. Alors allez faire bouffer des œufs à la coque sans coquetier à des gens qui sont à moitié paralysés et que vous n'avez pas le temps d'aider. Alors qu'est-ce que je me suis payé comme vaisselle ce soir-là? Il y avait du jaune d'œuf partout, le service était peint en jaune, enfin, je suis reparti encore. Avec 3 heures non dites récupérables, c'est-à-dire qu'on récupère jamais, et qui ne sont pas payées en heures supplémentaires, vous voyez. J'étais cette petite Marthe que les malades aimaient bien et qui faisait partie d'une équipe, et d'une équipe de guerre, parce que, comme on était très peu nombreux, si l'un d'entre nous se cassait la figure avec un accident du travail ou était malade, et si donc moi je m'en allais avant que mon contrat soit fini, c'est comme si j'avais déserté. Oui, en fait, il a fallu que ce soit Sœur Solange, enfin une des personnes que j'ai réellement connues à l'hôpital, et qui me dise, mais qui me reconnaisse, elle, finalement, et qui me dise... Partez. Partez, parce que vous avez reçu le don de ne pas être Justine la brune qui lave les carrelages depuis 30 ans, mais vous avez reçu le don d'écrire. Alors votre place n'est plus ici. L'écrivez. Vous devez sortir de là, ne pas vous laisser manger par votre personnage de Marthe qui n'est pas vous. Et là, et sur Solange, Malie, du fond de son lit, alors qu'on venait de lui couper les deux pieds, partez et écrivez quelque chose qui rende hommage aux Justines, aux Simon Lantillet, aux Hélène infirmières, et qui parle aussi du drame de tant de malades que nous côtoyons et qui, malgré les progrès de la science, enfin, finissent finalement au mouroir quand ils n'ont pas de fortune personnelle. Alors finalement, c'est ce que j'ai fait, j'ai écouté sur Solange. Et j'ai appris à quel point le cœur des travailleurs de mon pays est gros comme ça. Et gros comme ça de tendresse humaine, et gros comme ça de fraternité réelle. Car il ne s'agit pas de parler de fraternité, mais il faut essayer de faire en sorte qu'elle soit réelle. Et ces gens qui, le matin, font une heure et demie de métro, qui refont une heure et demie le soir de métro, qui sont crevés, qui ont pas de vie personnelle tellement ils sont malades, et ben ils trouvent encore le moyen de lutter, non pas seulement pour leur propre vie à eux, mais aussi pour la vie de leurs malades. Merci donc à Sœur Solange, à qui on doit un peu ce livre. Sœur Solange qui, avant d'être amputée des deux pieds, est dans la montée des escaliers, dans la fée des piqûres, dit Madeleine Riffaut. Le cœur gros comme ça, chapitre 31. Le dimanche, les visiteurs peuvent rester presque tout l'après-midi avec leurs malades. Monsieur L s'installe auprès du lit de sa petite chérie, Madame L, et paraplégique. Il se lève de temps en temps pour l'aider à pousser un chariot porté de vaisselle ou de gamelles vides à rapporter aux lointaines cuisines. Il m'accompagne donc pour m'aider jusqu'au monte-charge. Il sait bien que je suis maladroite et que je m'écrase le pied à chaque tournant avec les roulettes rouillées. « Marthe, vous n'aurez jamais votre permis de conduire. Poids lourd !» dit-il. Quand sa femme, Madame L, s'endort, Monsieur L va fumer dans le couloir, offrir une cigarette à Siméon, le garçon de Salantillet, qui range celle-ci dans sa poche pour l'allumer après le service. Nous sommes en famille, Monsieur L nous raconte une fois de plus Claire, sa femme, avant. Les qualités qu'elle avait, comment ils étaient heureux, les examens auxquels elle avait été reçue dans sa jeunesse, elle en savait beaucoup plus long que moi. Pour ne pas nous gêner, il va reprendre sa place de guetteur auprès du lit, attendant la rencontre, l'instant où il sera reconnu par elle, l'échange d'un regard. Il lit l'Huma Dimanche, il a tout le temps, de la première ligne à la bande dessinée. Quand l'heure vient de partir, Monsieur L fait un grand câlin à sa petite femme. Ça les recharge l'un l'autre. Sans fin, il caresse son visage et chuchote à son oreille. Il presse une orange, fiancé prévenant. Enfin, les rapports de ce vieux couple sont devenus ceux d'adolescents, enrichis des souvenirs d'une vie passée ensemble. C'est très joli à regarder, très réconfortant pour tout le monde. Sous notre climat aussi, l'amour existe. L'amour au long cours, l'amour de longue résistance. Tant de gens, enfin je ne dis pas de couple, dorment dans un même lit, font l'amour sans jamais se rencontrer. Comment Monsieur L se débrouille-t-il, travaillant pour gagner sa vie, faisant seul sa cuisine, son ménage dans le pavillon de banlieue, s'occupant encore du jardin. Chaque jour, il invente un cadeau pour sa femme retrouvée. Car elle le regarde de nouveau, lui répond des yeux. D'un œil, devrais-je écrire, parce que le gauche reste absent. La paupière droite est capable maintenant d'exprimer la tendresse, le rire, le refus, l'attention, la complicité, la pensée. Le mari m'appelle avant de s'en aller. « Je te laisse avec Marthe, » dit-il à sa femme. « Tu l'aimes bien, Madame Marthe ?» Et un clignement de l'œil droit de Madame L me rend heureuse pour la journée. C'est ça le don d'écrire de Madeleine Riffaut qu'évoquait Sœur Solange. Elle considère que Les Linges de la Nuit, c'est son meilleur livre. 1 million d'exemplaires, peut-être, ont été vendus. J'ai eu davantage de succès en vidant les bassins que pour avoir été sous les bombardements des B-52 américains au Vietnam. L'ouvrage mériterait d'être réédité et le courrier inouï qu'il a suscité d'être publié. Les Nuits de France Culture ont rediffusé en 2015 la dizaine d'entretiens de Madeleine Riffaut avec Ludovic Sellier. On peut faire la recherche en ligne. Ces entretiens auxquels nous avons beaucoup emprunté ont provoqué eux aussi beaucoup de correspondances au moment de leur première diffusion. C'était en 1993. J'avais retrouvé mon pays. J'avais retrouvé un sens à ma vie. J'avais eu un sens à ma vie quand j'étais correspondante de guerre ici ou là. Mais en France, je ne sentais pas vraiment de quelque chose qui puisse m'aider à aller plus loin, à marcher plus loin. dans cette période-là de ma vie. Et ce passage auprès de ces femmes admirables qui savaient mener de pair leur vie de famille et leur vie professionnelle m'a fait beaucoup de bien parce qu'il m'a enseigné et j'ai reçu une espèce d'absolution humaine, si vous voulez. J'étais bien, j'étais chez moi, j'étais parmi les miens, c'est l'essentiel. Un livre, c'est un livre ouvert, dit Madeleine Riffaut, qui gardait souvent la porte de son appartement ouverte à tout vent. Ce bouquin restera le plus inachevé du monde. À la fin de cette année 74, dit-elle, je suis retournée dans les mêmes hôpitaux qu'en 73. Entre-temps, la vie m'avait projetée, telle une balle de ping-pong de part et d'autre du filet. Côté soignant, côté malade, côté soignant de nouveau. J'avais vécu les deux versants du monde en blanc. J'ai demandé aux chefs de service, aux surveillantes, aux agents hospitaliers, aux infirmières. La situation chez vous a-t-elle changé depuis un an ? Quelques chiffres, le Premier ministre a annoncé le 20 novembre une reprise partielle par l'État de la dette de l'hôpital public, une hausse de 300 millions de son budget global pour 2020 et pour les personnels de la région parisienne, une prime annuelle de 800 euros pour les salaires inférieurs au salaire médian, qui est de 1900 euros mensuels dans cette zone. Sur l'ensemble du pays, le nombre de candidats au concours d'aide-soignants a diminué de 42% en 4 ans. Les promotions d'étudiants d'aide-soignants sont toujours féminines à 90%. Cette émission a été préparée par Frédéric Martin avec la réalisation Audrey Ripouille. Et je salue ici présent au studio Fabrice Drouel, bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Et puis j'indique aussi un autre livre, c'était avec Gilles Plazy de Madeleine Riffaut, j'espère que lui on peut le trouver. Je dis aussi que Madeleine Riffaut participe toujours très régulièrement à des cérémonies, elle est longtemps intervenue dans les lycées et les collèges, elle a fait aussi une psychanalyse. Une dimension didactique pour elle et elle a jusqu'à ces derniers temps multiplié les actions de soutien aux malades, aux associations d'accompagnement aux mourants. Salut donc à Madeleine Riffaut, 95 ans. Fabrice Drouel, quel est le programme ? Tiens, même chiffre, 95. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé à la même époque de l'année, au mois de décembre, à la fin de l'automne, en 1995, en France, par il neigeait, nous marchions innombrables. Il y avait peu de trains, très peu de bus, peu de métro. Les Français manifestaient contre le projet de retraite, figurez-vous. Le Premier ministre s'appelait Alain Juppé, à l'époque, et le Président de la République. Jacques Chirac, vous savez que nous aimons explorer les allées du passé pour en traquer les résonances, affaires sensibles. Voilà une résonance évidente. À Noël, comme chaque année, votre grand-mère vous donnera un billet de 5 euros, même si vous avez plus de 45 ans. Vous la connaissez par cœur. Offrez-lui ses chocolats préférés. Chez Jeff de Bruges, on peut composer son ballotin sur mesure, de mousse onctueuse, légère et délicate. Jeff de Bruges, à partir de 11,40€, ballotin personnalisé. Pour votre santé, bougez plus. Bagues, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, toujours une merveilleuse idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année. Faites confiance à votre bijoutier qui saura vous conseiller. Alexis est un jeune garçon handicapé en fauteuil roulant. Sa vie a changé quand Olaf, un labrador chien d'assistance, éduqué par Andy Chien, lui a été offert. Olaf lui ouvre les portes, appelle l'ascenseur ou ramasse son smartphone. Soutenez Andy Chien pour faire briller les yeux d'autres enfants. andychien.org. Les professions invisibles, nous continuons notre série demain avec les intérimaires. Puis ce seront les femmes de ménage. Honneur aux femmes de ménage. Il est dans un instant 15h et vous écoutez France Inter.